Tuko na salimia kila moja wenu mujina la Yesu Kristo. Nous saluons en même temps les frères et les sœurs qui sont en ligne. Vile vile tuna salimia banduku na badada tufata kupitia mtandao. Comme nous cessons de le dire. Paka vile atuachake kumeambia. La prière est une très bonne chose. Maombi ni kitu kizuri sana kwa Mkristo. Il n'existe pas de vie chrétienne sans prière. Akuyakuyaka maisha ya Kikristo bila maombi. Dieu ne peut rien faire avec le négligent. Mungu ana na cha kufanya na batu ya kusula. Tout homme qui fuit la prière, mutu yote ula na kimbiaka maombi, prouve qu'il n'est pas encore né de nouveau. Eko nonesha ya kwamba bado ayazalikwa mara ya pili. Il n'a pas la vie de Dieu en lui. Maisha ya Mungu ndani yake hainamo. Par la prière, kupitia maombi, nous respirons. Tunapumzika. Pour témoigner que nous sommes en vie dans le royaume de Dieu. Ndio ya kushuhudia kwamba tuko bazima mwa Mungu. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tushimame njo usome wa neno. Nous sommes toujours dans notre livre de Ruth. Tuko paka mkitabu yetu ya Luta. Nous prenons le verset 16. Tuchukue mustari yake ya 16 jusqu'au verset 18. Fika paka na 18 mustari yake. Ruth répondit. Ruth akajibu. Ne me presse pas de te laisser. Ushinikazishe nipate kukuacha. De retourner loin de toi. Kusudi nipate kurudia mbali na weye. Où tu iras, j'irai. Kule utaenda, nitaenda. Où tu demeureras, j'y demeurerai. Kule utenda kuishi na mie nitaishi pale. Ton peuple sera mon peuple. Na taifa yako ndio itakuwa taifa yangu. Et ton Dieu sera mon Dieu. Na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Où tu mourras, je mourrai. Pale utakufia na mie nitakufia pale. Et j'y serai enterré. Na mie nitajikwa pale. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Wa milele apate kunitendea katika ukali yake yote. Si autre chose que la mort vient de me séparer de toi. Kama isipokuwa tulufu ikuwe nitenge na weye. Naomi la voyant décider à aller avec elle. Naomi kisha kumona anachukua mipango ya kwenda naye. Cessa d'insister auprès d'elle. Akacha kumukazisha kusudi arudie. Nous te disons merci notre père. Baba yetu tunakupikia asante. Toi qui es l'auteur de cette parole. Wenjo mwanzishi wa ineno. Tu es l'unique personne par la voix du Saint-Esprit. Mutu peke kupitia Roho Mtakatifu. De l'interpréter correctement dans nos âmes. Upate kuitafsiri mzuri ndani ya manafsi yetu. Et de nous donner ta vie. Na kutupatia hata uzima yako. Seigneur, merci. Bwana asante. Tu fais certaines choses dans la simplicité. Unafanya vitu vingine katika unyenyekevu. Viens Seigneur. Uye Bwana. Accomplis ta volonté en nous. Utimize mapenzi yako ndani yetu. Les frères et les sœurs qui étaient ici depuis le matin. Banduku na badada walikuwa hapa tangia asubuhi. Toi qui discernes les pensées. We mwenye kujua hata mawazo. Et qui connais la profondeur de chaque homme. Na unayua hata upana ya kila mtu. Et de tout ce qui t'a été demandé. Na yote ile kulombo hapa. Seigneur, exauce leur prière. Upate kujibu maombi yabo. Merci au Dieu. Asante au Mungu. Souviens-toi des frères et des sœurs qui sont en déplacement. Ukumbuke banduku na badada bali kwa msafari. Sois avec eux, Seigneur. Uwe nabo Bwana. Du début à la fin de ce service. Mwanzo hata mwisho ya mkusanyiko. Que ton nom soit loué. Jina lako lisifiwe. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Nous vous avons dit ceci hier. Jana, tulimeambia hivi. Si Ruth la Moabite. Kama Luta mwa kumoabite. A pris cette décision louable. Aribeba imupango ya kusifu. Une décision très ferme. Mupango ya kushikamana. De quitter son territoire. Ya kuacha jimbo yake. Et d'aller dans un pays où elle n'avait jamais été. Na kuenda muichi mula kweka shiendaka. Vers un peuple qu'elle ne connaissait pas. Ku taifa yenyashi kujue. Vers un peuple dont elle n'avait jamais connu ses habitudes. Ku taifa yenyashi kujue ata abisela yabo. C'est parce qu'elle entendait déjà. Sababu arianzaka kushikia. Elle avait reçu beaucoup de témoignages sur le Dieu d'Israël. Arepokeaka maushuda ya mingi yule ya Mungu wa Israeli. Elle avait déjà reçu des témoignages. Arekwashapokea maushuda. Sur les merveilles que cet homme, que ce Dieu avait accompli. Yule ya ile majabu ile Mungu alifanya atenda. Comme la foi vient de ce qu'on entend. Sa vile imani kunatokia ni kile tunashikia. Ces paroles avaient engendré une réelle foi en elle. Na ile maneno ilizalishwa imani ya bakwenda ndani yake. Elle voulait aller en Égypte et aller en Israël. Alipenda kwenda muIsraeli. Pour être en contact direct avec ce Dieu vivant. Ninju ya kuingia mwapatano ya ghafla na ole Mungu mwenye kuya ai. Un Dieu réel. Mungu wa byakweli. Un Dieu puissant. Mungu wa uwezo yote. Elle n'allait pas en Israël pour le mariage ou pour les intérêts matériels. Akwanze kwenda muIsraeli njo andoa wala jua mafaida tu ya kimwili. Elle partait pour aller adorer Dieu. Alianza kwenda muIsraeli njo kuabudu Mungu. C'est pourquoi Dukwaman ne pouvait rien faire. Maile makulekesha haikuwezi kumfa kitu. Voilà pourquoi elle prit cette décision ferme. Jukomana alibeba imupango ya kushikamana. D'aller avec Naomi. Ya kwenda pamoja na Naomi. Ruth la Moabite. Ruth wa kumoabite wa kumoab. À l'opposé de Orpa. Kwa chana na Opa. Et le type d'une véritable église spirituelle. Yeni picha ya kanisa ya kweli ya kiroho. L'épouse des nations. Bibi arusi wa mataifa. Le type d'un véritable chrétien. Mufano ya mkristo ya kweli. Qui a pris une décision ferme. Mwenyari beba mupango ya kushikamana. Pour aller vers Dieu. Njuu ya kumwendea Mungu. Et avoir de véritables expériences réelles avec lui. Na kuya na maonjo ya kweli pamoja na Mungu. En tant qu'une véritable chrétienne. Somu Kristo wa kweli. Ayant reçu la révélation de ce qu'était le Dieu d'Israël. Mwenye kupokea ufunuo ya kweli ya kile Mungu wa Israeli alikuya. Elle était déterminée. Alikuwa anesha kuchukua mipango. Avec toute sa dernière énergie dans son cœur. Na nguvu yake yote ndani ya moyo wake. D'aller vers ce Dieu de bénédiction. Ya kwenda kwa Mungu wa baraka. Le Dieu véritable. Mungu wa kweli. Le Dieu vivant. Mungu mjima. C'est ce que fait un véritable chrétien. Njo vile mukristu wote akweli anatendaka. Quand un véritable chrétien vient à Christ, wakati mukristu akweli anakuya kwa Kristo, il vient avec une détermination dans son cœur pour Dieu. Eko nakuya na mipango ndani ya moyo wake juu ya Mungu. Et pour les choses divines. Na juu ya bitu ya kimungu. Ruth aimait sincèrement le Dieu d'Israël. Akika Luta alikuwa anashakupenda sana Mungu wa Israeli. Et dans son cœur. Na ndani ya moyo wake. Voulait s'identifier. Alipenda kujilinganisha. Au peuple de Dieu. Ku taifa ya Mungu. Elle voulait être une partie d'Israël. Alipenda kuya sehemu ya Israeli. C'est pourquoi vous voyez, elle dit ici. Ton peuple sera mon peuple. Taifa yako itakuwa taifa yangu. Et ton Dieu à toi, Naomi, sera mon Dieu. Na Mungu wako, Naomi, atakuwa Mungu wangu. J'ai résolu de ne plus rentrer à Moab. Milichukua mipango, mistarudia tena mu Moab. Là où tu mourras, toi, Naomi. Kule we, Naomi, utakufia. J'y mourrai aussi. Nami, utakufia kule. Ma décision est déjà prise. Mipango yangu, nesha ichukua. Là où tu seras enterré. Pale batakuzikia. J'y serai aussi enterré. Nami, batenijikia pale. Elle était décidée. Arikuwa, anesha beba mipango. C'est vrai, frère et sœur. Biakweli, nduku na dada. La décision de Ruth. Mpango ya Ruth. La conduit à une séparation. Ilimongoza kukujitenga. Avec son pays. Kujitenga na inchi yake. Avec son peuple. Kujitenga na taifa yake. Avec son Dieu. Kujitenga na miungu yake. La décision de Ruth. Mupango ya Ruth. L'avait conduit à une séparation totale. Ilimongoza apate kujitenga kabisa kabisa. Elle avait abandonné complètement. Ariacha kabisa kabisa. Et c'était complètement séparé. Na arijitenga kabisa kabisa. De tout ce qui l'entourait. Na bile biote bikome ya muzunguka. Ruth prit cette décision ferme de la foi. Ruth akabeba mipango ya imani. Qui la conduisit à une séparation totale. Ile ilimongoza mkujitenga kwa lote. Et quand Ruth sortait, na mwakati Ruth aranza kutoka, elle ne savait pas où elle allait. Aishikujue ni wapi aranza kwenda. Et elle ne savait pas na akujue ce qui lui arriverait. Ni kitu kani kitamufikia en Israël. Mule muisraeli. C'est le type d'un véritable chrétien. Ni mufano wa mkristo wa kweli. Qui a la foi d'Abraham. Ule mwenye kuwa na imani ya Ibrahimu. Lorsque Abraham a reçu son appel. Wakati Ibrahimu alipokea mwito yake. Quand il a reconnu que c'était le véritable Dieu qui l'appelait. Wakati alitambua kwamba ni Mungu wa kweli ule alimwita. Il prit la décision. Akachukua mpango de quitter son pays, ya kutoka mwichi yake, de se séparer de son peuple, kujitenga na taifa yake, de se séparer de ses dieux, kujitenga na miungu yake, sans avoir où il allait, bila kujua ni wapi anaanza kwenda. C'est ce que fait un véritable chrétien. Na njovile mukristo byakwera nikalaka mukufanya. Lorsqu'il vient à Christ. Wakati anakuya kwa Kristo. Il est conduit par la foi. Ekonongozwa kupitia imani. La foi qui vient à travers la parole qu'il a reçue. Imani liko natokea kuneno ile alipokea. Il ne sait pas où il va. Ashijua kule kunaenda. Il ne sait pas ce qui va lui arriver en chemin. Ashijua ni nini tamfikia munjia. Mais il fait confiance. Lakini eko natumainia. Dans le témoignage qu'il a reçu. Ile ushuda alipokea. Et il met sa foi. Imani yake aniweka. En Dieu. Ndani ya Mungu. Sachant que c'est lui le maître. Mwenye kujua kusema yeye ndio mwalimu. Et le consommateur de sa foi. Na consommateur de sa foi. Mwenye unatumia imani. Nous avons cru. Chie tuliamini. Quand nous avons entendu. Mwakati tulishikia. Que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Ya kwamba Yesu ndio Mungu wa uwezo yote. Nous avons cru. Tunaamini. Lorsque nous avons entendu la parole. Mwakati tulishikia neno. Qu'il est l'unique sauveur. Ya kwamba eko peke mkombozi. C'est lui qui nous libère de tous nos péchés. Nous avons cru tuliamini ndani ya malako yake. Sans l'avoir vu. Bila shikumona. Quand il a dit. Wakati alisema. Je vais vous préparer une place. Ninaenda kumitarisha fashi. Nous croyons à l'enlèvement. Tunaamini kunyanyuliwa. Nous n'avons vu ni Jésus. Atukumonake Yesu. Nous n'avons été ni au ciel. Atuafika kata kumbingu. Mais dans notre foi. Mais lakini katika imani yetu. Jésus est réel. Tunaamini kwamba Yesu ni wa kweli. L'enlèvement est réel. Na kunyanyuliwa ni kwa kweli. Notre foi le témoigne. Imani yetu kunaishuhudia. C'est vrai frère. Bia kweri nduku. Pourquoi? Dieu a nini? Parce que la Bible. Sababu Biblia. Qui est le fondement de notre foi. Misingi ya imani yetu. Ne peut nous mentir. Kamwe haiwezi kutulanda. Dans Hébreux chapitre 11. Wa Ibrania 11 sura yake. Dans son verset 8. Mustari yake ya 8. C'est pas la foi qu'Abraham. Ni kupitia imani Ibrahimu. Lors de sa vocation, mwakati ya mwito yake, obéi et parti. Akati na kaenda. Pour un lieu Wenda. Qui devait recevoir un héritage. Fazi la pache pokea kama uriti. Et qu'il partit. Na kaenda. Sans savoir où il allait. Bila kujua ni wapi kularanza kwenda. C'est vrai frère. Ya kweri nduku. C'est vraiment ça. Ya kweri dada. Il a pris la décision de partir. Alibeba mipango ya kutoka na kwenda. Mais elle ne savait pas. Lakini asikujue. Où elle devait aller. Ni wapi kula pashi kwenda. Elle ne connaissait même pas le chemin. Na njia nye asikujue. Mais elle a accepté de se séparer. Lakini aritika kujitenga. Bien-aimés frères et sœurs. Pendwa nduku na dada. Chacun de nous doit savoir. Kila mmoja wetu anapasha kujua. Que dans chaque véritable décision que nous prenons. Ya kwamba mukila mupango ya kweli tuko na beba. Dans notre propre foi. Muimani yetu. Nous prenons des risques. Tunabeba atari. Dans chaque décision. Kila de mupango. Foi que nous prenons. Kila mara tunekalamu kubeba. Il y a des risques. Munekalaka matari. Il n'y a pas de décision sans risque. Akuyakuyaka mupango lonezu kubeba amuna atari. Non bien-aimé frère. Pana nduku mpendwa. Non bien-aimé sœur. Pana dada mpendwa. Jésus-Christ nous a dit ceci avant d'aller plus loin. Alituambia hivi mbele ya kwenda mbali. Dans Luc au chapitre 14. Luka 14. Luc au chapitre 14. Luca sura ya 14. Je commence au verset 25. Nikunanzia mustari ya 25. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Batu mingi baranza kwenda pamoja na Yesu. Il se retourna et leur dit. Akageuka na akabambia. Si quelqu'un vient à moi. Kama mutu anakuya kwangu. Sans me préférer à son père. Bila kunipenda zaidi kupita baba yake. Bila kunipenda kushindia baba yake. À sa mère. Wala kunipenda kushindia mama yake. À sa femme. Wala kunipenda mimi kushindia mke wake. À ses enfants. Ashinipende mimi kushindia watoto yake. À ses frères. Banduku yake. Et à ses sœurs. Ata badada yake. Et même à sa propre vie. Ata maisha yake mwenyewe. Il ne peut être mon disciple. Kamwe hawezi kuya mtume wangu. Et quiconque ne porte pas sa croix. Na yoyote ula shukua msalaba yake. Et ne me suit pas. Na ashinifate. Ne peut être mon disciple. Hawezi kuya mtume wangu. Souvent nous lisons cette écriture. Mara mingi tunekaraka mkusoma ya andiko. Mais beaucoup de gens ne la comprennent pas. Lakini batu mingi abikarake mkuelewa. La foi imani a des risques. Inekaraka na matari. La foi imani a des conséquences. Inekalaka na matokeo ya mubaya. Jésus-Christ lui nous dit ceci ici. Yesu Kristo anatuambia hapa hivi. Si quelqu'un vient à moi. Kama mutu anakuya kwangu. Sans avoir accepté au préalable. Bila kwanja kwanza kuichika. De se séparer de son père. Kujitenga na baba yake. De sa mère. Kujitenga na mama yake. De sa femme. Kujitenga na mke wake. De ses enfants. Kujitenga watoto yake. De ses frères. Kujitenga na banduku yake. De ses sœurs. Kujitenga na badada yake. Et sans avoir haï au préalable sa propre vie. Na bila kuchukia maisha yake kwanja kwanja. Ne peut être mon disciple. Kamwe hawezi kuwa mtume wangu. C'est vrai. Bia kweli. Si quelqu'un. Kama muntu. Ne porte pas sa propre croix. Pas la croix de Jésus. Msalaba yake mwenyewe hapana msalaba ya Yesu Kristo. La croix de Jésus. Msalaba ya Yesu. Qu'il a porté au Calvaire. Il alichukua ku Calvario. C'est sa croix là. Ile msalaba yake. Était la nôtre. Ilikuwa ni yetu. Pour nos péchés. Njuu ya mazambi yetu. Et pour nos salut. Na njuu ya okovu yetu. Jésus ne nous demande pas. Yesu asitulombe. De porter sa croix. Beba ile msalaba yake. Il nous demande. Eko ne tuomba. De porter notre propre croix. Msalaba yetu shibenyewe. C'est vrai. Ya kweli. Nous y arriverons. Tutafika kule. Et ne me suis pas. Na asinifate. Ne peut être mon disciple. Awezi kuya mtume wangu. Oui, bien-aimé frère. Ndio, nduku na dada mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Ndio, dada mpendwa. Il y a des risques. Kuko matari. Prenons Marc au chapitre, Matthieu chapitre 10. Tuchukue Matayo 10. Matthieu au chapitre 10. Matayo 10. Dans son verset 34 à 39. Mustari yake ya makumi ine na tano, paka makumi tatu na tisa. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Musiwazia kwamba nilikuja njoo kuleta salama pa dunia. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mishikwe kuleta salama lakini kipanga. Car je suis venu mettre la division entre le père, entre l'homme et son père. Sababu nilikuwa kuleta chanisho katikati ya mutu na baba yake. Entre la fille et sa mère. Katikati ya binti na mama yake. Entre la belle fille et sa belle mère. Entre muku mwanamuke na mko yake mwanamuke. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Na mutu atakuya na adui mutu wa mnyumba yake. Atakuya. Batu wa mnyumba yake. Il aura pour ennemi atakuya baadui. Na baadui. Les gens de sa maison. Batu ya mnyumba yake. Celui qui aime son père. Ula napenda baba yake. Ou sa mère. Wala mama yake. Plus que moi. Kushindia mie. N'est pas digne de moi. Ashistahili kuya wangu. Celui qui aime son fils. Ula napenda mtoto yake mwanaume. Ou sa fille. Wala binti wake. Plus que moi. Kushindia mie. N'est pas digne de moi. Ashistahili kuya wangu. Celui qui ne prend pas sa croix. Ula ashichukue msalaba yake. Et ne me suit pas. Na asinifate. N'est pas digne de moi. Ashistahili kuya wangu. Celui qui conservera sa vie. Ula tachunga maisha yake. La perdra. Ataipotesha. Et celui qui la perde, qui perdra sa vie. Na ule mwenye atapotea maisha yake. À cause de moi. Kwa ajili yangu. La retrouvera. Ataipata. Vrai. Ya kweli. Dans Marc au chapitre 8. Marc 8. Très simple à lire. Iko epesi kusoma. Très facile à lire. Iko ya kepesi mukusoma. Marc 8. Marc 8. Dans son verset 34. Mumustari yake ya makumi tatu na ine. Jusqu'au verset 38, nous lisons. Kapa 38, tunasoma. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit. Kisha kuita bali batu mwingi wako pale na mitume yake akawaambia. Si quelqu'un veut venir après moi. Kama mutu anapenda kunifuata. Qu'il renonce à lui-même. Apate kujikatala ye mwenyewe. Et qu'il se charge de sa croix. Na apate kujitwika msalaba yake. Et qu'il me suive. Na apate kunifata. Si quelqu'un veut venir après moi. Kama mutu anapenda kunifata. Qu'il renonce à lui-même. Ajikatale ye mwenyewe. Qu'il se charge de sa croix. Apate kujitwika msalaba yake. Et qu'il me suive. Nani fati. Car. Kwani. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Ule unapenda kuokoa maisha yake ataipoteza. Mais. Lakini. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ule atapoteza maisha yake juu yangu na njoo ya habari njema ataiokoa. Et que sert-il à un homme de gagner le monde? Na, tout le monde. Itasaidia nini mutu apate kuina batu bote? S'il perd son âme. Kama anapotea nafsi yake. Que donnerait un homme en échange avec son âme? Na mutu anawezi kubadilisha na nini nafsi yake? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération. Adultère et pécheresse. Ule wote atenishikia aya katikati ya kizazi kisharati na kitenda zambi. Le fils de l'homme aura aussi honte de lui. Mwana wa mutu na yeye atamshikia aya. Quand il viendra dans la gloire de son père avec les saints anges. Wakati atakuwa mutukufu ya baba yake na batakatifu na ba malaika takatifu. Bien-aimé. Bien-aimés frères et sœurs. Ah, mupendo anduku na dada. Comme Ruth a pris la décision. Savile Ruth, arrive un pango. Et la décision, sa propre décision. Na mupango yake. l'a conduit à la séparation. Il m'ongoza kujitenga. L'a conduit à abandonner son pays. Il m'ongoza apate kuacha nchi yake. Son peuple c'est Dieu. Taifa yake na Mungu wake. Tout homme. Mutu yote. Et toute femme. Na mwanamke yote. Qui veut venir à Christ. Uli unapenda kuya kwa Kristu. Doit accepter obligatoirement de se séparer avec son incrédulité et avec le monde. Anapasha kula analazimisha kujitenga na kutokuamini kwake na dunia. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ya kweli dada. Si quelqu'un ne veut pas se séparer. Kama mutu ashipende kujitenga. Il n'a pas encore pris de décision. Bado ashachukua mipango. Il ment. Ekunalanda. Se séparer n'est pas une chose facile. Kujitenga aina kitu kepesi. Car il a pris la décision de se séparer. Wakati Luta alichukua mipango ya kujitenga. De quitter son territoire. Kutoka fazi laanza kukala. Et d'aller dans le pays. Na kwenda muinchi. De Naomi. Ya ba Naomi. Il a subi toutes les moqueries. Alipata makuchekelewa kote. Il a eu tous les découragements de son peuple. Ma aina yote ya kulekeshwa ya taifa yake aliipata. Les jeunes filles babinti, et les jeunes femmes na, ba, babibi, de son babiana, âge baki, pimo yake, pouvaient venir lui dire kwa kumwambia, on ne te comprend pas Ruth. Ruth atukwelewe. Tu n'es pas intelligente. Auna na akiri. Orpa est intelligente. Opa ekuna akiri. Vous voulez aller avec cette dame ici. Unapenda kwenda na umama huyu. Quand elle est venue ici. Wakati alikuya umu. Elle n'était pas avec vous. Ashukue na we. Si c'est ton mari. Kama bwana yake. Si ton mari. Kama bwana yako wewe. Était en vie. Alikuwa mjima. Tu aurais raison d'aller avec lui. Pasi kwa na halali ya kwenda na umama. Mais tu vas avec cette vieille femme. Lakini unaenda na umuzee mwanamke. Elle va t'aider en quoi? Atakusaidia nini? Tu ne comprends pas? Awelewe kintu. Tu es malheureuse. Uko tu aole. Reste ici. Baki ya umu. Tu seras heureuse. Utakuwa waheri. Tu auras un mariage. Utapata ndoa. Ici il y a tes parents. Mungu wazazi yako. Il y a tes frères. Hapa pe wanduku yako. Il y a ton héritage. Hapa njo peke yako. Il y a ton peuple. Taifa yako kwa hapa. Tu veux aller en aventure. Unafia kwenda tu kufanya michezo wala mkujunguluka. Elle a reçu tous les découragements. Alipokea makulekeshwa kote. Ka son peuple. Wakati taifa yake a vu la décision de Ruth. Bariona mipango ile Ruta alibichukua. Les autres lui disaient. Pengine baanza kumwambia. Donc tu nous méprises. Wewe unatubeula. Tu fais honte de notre nation. Na leta aya ku taifa yetu. Ruth disait. Peu importe ce que vous dites. Aizuru bienye mutasema. Moi. Mie. J'irai avec ma belle-mère. Mitenda na mko yangu. C'est la règle l'affaire. Il est mambo naisha. Vous pensez que son peuple l'aimait? Mumu ase taifa kiko champagne. Non bien mes frères. Apana nduku mpendwa. Sa décision. Mipango yake. Lui attira. La haine de son propre peuple. Ili mukokotia la chuki ya taifa yake. Le mépris de son propre peuple. Mazarau ya taifa yake. Les critiques de son propre peuple. Masingiziano ya mais ce n'était pas l'affaire de Ruth. Lakini ile mambo. Pourquoi? Il avait Dieu. Sous ses yeux. Macho yake. Et rien ne pouvait bouger sa foi. Na hakuna kitu kiruwezi kutengesha imani yake. Frère. Nduku. Ma sœur. Dada yangu. La décision mipango est fondamentale iko ya msingi dans la marche de chaque chrétien katika safari ya kila mkristo et dans chaque décision de la foi na mukila mpango ya imani il y a une puissance positive unekalaka ko uwezo ya mzuri qui vous fait agir pour atteindre votre objectif. Dans Dans chaque décision de la foi, mukila mupango ya imani, il y a une puissance positive. Munekala kaka uwezo ya mzuri. La puissance de la foi. Il est uwezo ya imani. Et cette puissance de la foi. Na ile uwezo ya imani. Vous fait agir. Iko na nisukuma kutenda. Pour atteindre. Via kufika. L'objectif que tu t'es assigné. Kifukuzio wala shaba ile ulianza kufukuzia. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada. C'est ce que Ruth a fait. Njo ile luta alifanya. Elle avait pris la décision. Alibeba mupango. Mais la décision n'était que le début. Lakini ile mupango yake ilikuwa tu ni mwanzo. De la marche qu'elle devait faire. Ya safari ile apache kufanya. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. Ruth avait pris la décision. Luta alichukua mupango. Pendant qu'elle était dans le pays de Moab. Wakati ile alikuwa muinchi ya Moab. Elle n'a pas pris la décision. Akubebea mupango. En Israël. Ya kwenda muIsraeli. Pendant la marche. Mwa musafari. Non bien aimé frère. Pana nduku mpendwa. Non bien aimé sœur. Pana dada mpendwa. C'est la décision. Ni mupango. Qu'elle avait prise tout en étant dans le pays de naissance. Il arrivait mwenye kuya mwenye inchi alizalikiwa. Qui lui donna la force? Ndio ikampatia nguvu. Une puissance d'action. Uwezo ya kutenda. De marcher. Ya kutembea. Jusque dans le pays de Naomi. Kufika pana muinchi ya ba Naomi. Bien-aimés frères et sœurs. Mupendwa, nduku na dada. Si tu ne prends pas la décision dans votre vie. Kama auchukue mipango maisha yako. Vous n'irez nulle part. Autaenda fashi. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. La décision que tu prends pour Christ, il est mis pango na beba juu ya Kristo. Ce n'est qu'un début. Ni mwanzo tu. D'être long voyage. Ya safari mulefu. Dans lequel. Mwile safari. Vous serez obligé. Mutalazimishwa. D'affronter plusieurs difficultés. Ya kukutana na magumu ya mingi. Pour atteindre ton objectif. Juu ya kufika kushaba. La décision. Mupango. Si elle n'est pas accompagnée de l'obéissance. Kama ishindikishwe na kuti. Si elle n'est pas accompagnée de la séparation. Kama ishindikizwe na kujitenga. Vous ne serez nulle part. L'église est avec moi. Mutakuya fasi. Est-ce que l'église est avec moi? Eti kanisa tupamoya. La décision mupango n'a de sens iko na maana yayo que lorsqu'elle est accompagnée mwile wakati inashindikiziwa de l'obéissance na kutifu et de la séparation na kujitenga. La décision de foi mipango ya imani c'est elle qui vous sépare ni yoje kune mitenga. C'est elle qui déclenche Yo, ikuna la musha, votre marche safari yenu. Jusque là na kufika pale quand Ruth a pris la décision wakati le luta alibeba mpango il était toujours alikuya paka sur son territoire mujimbo yake elle n'était nulle part akwa bado aenda fashi. C'est vrai frère ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada. Dans la vie, suivez-moi très bien. Mumaisha, munifate mzuri. Dans la vie chrétienne. Mumaisha ya Kikristo. Dans la foi. Muimani. Lorsque nous voulons suivre Jésus, wakati tunafia kufata Yesu, il y a des choses kukobitu que nous devons obligatoirement faire nous-mêmes. Tunalazimisha kufanya shibenyewe, que Dieu ne peut pas faire, na Mungu hawezi kufanya, à moins que nous le faisions. Paka shibenye tunaifanya. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. Dans la foi, katika imani, il y a des choses kuko bitu que nous devons nous-mêmes en tant qu'individus si et sabatu kwa kipeke faire obligatoirement. Tunapasha kufanya, tunalazimisha. Et Dieu ne le fera jamais à notre place. Mungu ateifanyaka pa fazi yetu. À moins que nous-mêmes nous le fassions. Si benyewe tupate kutimi kufanya vile. Si vous le faites pas, kama uyafanya vile, Dieu ne viendra pas le faire à votre place. Ata kuyaka kukufanya ayo pa fazi yako. Dans la foi, katika imani, la décision, mupango, de vouloir être sauvé, ya kupenda kokolewa, de marcher avec Christ, ya kutembea pamoja na Kristo, ne vient pas de Dieu, aitokea kwa Mungu, vient de toi-même, inatokea ni kwako mwenyewe. La séparation, kujitenga avec votre ancien maître, na mwalimu wako ule wa zamani, avec votre compagnie, na ile barafiki yako ba zamani, avec l'ancien milieu, na ile dans lequel tu vivais ya zamani ulianza kuishi, avec votre incrédulité, na kutokuamini kwako. La séparation, kujitenga, ce n'est pas Dieu, aina Mungu, qui viendra vous séparer. Atakuya kukuachanisha. Ce n'est pas Dieu, aina Mungu, qui fera la séparation à ta place. Atakuya kufanya achanisho pa fasi yako. Toi-même, we moya, we peke, toi seul, Dieu, on a pas à kuitika, tu dois accepter volontairement, na kipendaro yako, selon votre libre arbitre, na uhuru yako, avec votre conscience, na zamiri yako, tu dois accepter de te séparer. Jitenga. C'est à ce moment-là mwile wakati que la décision que tu as pris mpango pour Christ, kwa Kristu, aura de sens. Jo itakuya na mana ake. C'est vrai, frère. Bia kweri nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni bia kweri dada. Mais il n'y a pas de foi et de séparation sans conséquence. Hakuna imani wala kujitenga bila matokeo mbaya. Oui, bien aimé, frère. Ndiyo, nduku na dada mpendwa. Dans Révélation, mu ufunuo, maubiri, chapitre 5, ma sura ki atano ni maubiri, dans son paragraphe 102, mukartasi yake 102, vous pouvez lire jusqu'au paragraphe 111. Mwenyezi kwenda ta 111. Écoutez ce que frère Wana me dit. Mishike vile nduku wana anasema. Maintenant, sasa, nous voulons encore donner une petite illustration au verset 5 et ensuite nous passerons au verset 6. Tunapenda kuonekanisha kitu kimoja mstari yake ya 5 kisha tutapita mstari yake ya 6. Je désire que vous remarquiez dans le plan de la rédemption. Minapenda mpate kutiangaisho sana mu mapu ya okovu. De quelle manière Dieu a montré cela d'avance? Namna kalile Mungu alionekanishaka zamani. Il a réalisé parfaitement dans Ruth et Boaz. Alitimiza kabisa kabisa mu Ruth, Luta na Boaz. Et c'est pas cela que je vais terminer dimanche dernier. Na nikupitia ile njo mitaishia mu Ijuma itakuya. Je désire revenir aujourd'hui. Minapenda kurudiria leo. Il y a quatre étapes. Kuko bipande ine. Ou quatre jonctions. Wala, quatre points. Wala, quatre points de jonction. Manukta tano. Dans cette histoire de Ruth et de Mui Boaz. Adisi ya Luta na Boaz. La première. Ya kwanza. La première. Ya kwanza. C'est la décision que Ruth prend. Ni mupango ile Luta eko na beba. Combien m'ont déjà entendu prêcher là-dessus? Levez la main. La plupart d'entre vous, je pense. Premièrement, Ruth a dû décider Luta aribeba mupango, si elle allait entrer ou non kama iwezi kurudia wala apana, dans ce pays avec Naomi. Pamoya na Naomi. Elle a dû prendre une décision. Aribeba mupango. Vous voyez, munaona. C'est vrai. Bya kweri. Maintenant remarquez. Sasa tazameni. Dans ceci, mui, la décision de Ruth. Mupango ya Luta. Elle dû prendre une décision. Ariwezi kubeba mupango. Qui était soit d'aller là-bas, ile likuya ya kwenda soit kule, de ne pas y aller. Wala apana kwenda. Elle dû prendre la décision. Ariwezi kupeba mupango. Oh. Jial, wala. C'est ainsi que doit agir chaque croyant. Dieu moi bien. Vous avez dû quitter votre vieille tanière. Votre ancienne habitation. Ah, fazi yako kukala ya zamani. Là où habite le hors la loi. Car nous ne sommes pas encore sauvés. Wakati tulikuwa bado akiokolewa. Nous étions des païens. Tulikuwa batenda zambi. Nous étions de hors la loi. Tulikuwa nje ya sheria. Comprenez-vous cela? Munaelewa hili. Nous étions de hors la loi. Tulikuwa nje ya sheria. Vous avez dû quitter votre ancienne vie. Vous avez dû quitter les vieilles choses du monde. C'est vrai. Bya kweri. Il dit quitter les vieilles tanières de la vie. Ou quelque chose comme cela. Kitu kimwa kya vile. Pour entrer dans un nouveau pays peuplé. Ya kuingia mutai, de gens nouveaux. Qui n'avait jamais vu auparavant. C'est ce que vous avez fait. Lorsque vous êtes devenu chrétien. Voyez bien mes frères. Naona nduku mpendwa. Voyez bien mes soeurs. Naona dada mpendwa. La décision mupango que vous prenez pour Christ, il est où qu'on a chukua juu ya Christ, vous conduit iku ne miongoza automatiquement mala moya à une séparation totale mukujitenga kwa lote avec toute incrédulité na kutokwa mini kote et avec tout péché na zambi yote. La décision mpango que vous prenez d'aller avec Christ, il est où nachukua njoo ya kwenda na Kristo, est automatique. Inekalaka ya gafla. L'automatisme de cette décision, il est gafla ya ile mpango, vous conduit à une séparation mukujitenga totale avec votre incrédulité na kutokuamini kwenu et avec votre ancienne vie. Maisha yenu ya zamani. Je vais y revenir. Mitarudiri hapo. Kama mtu anasema, si un homme se dit, minamini Yesu Kristo, je crois au Seigneur Jésus Christ. Où le monde, ces derniers, ana na makalkili ya kufuanya, il n'a pas de calcul de affaire pour se séparer avec le péché, pour abandonner le péché et à se séparer avec son ancienne vie. La séparation kujitenga est automatique. Nikalaka kwa gafla. C'est vrai, frère. Ya kweri nduku. C'est vrai, ma sœur. Ya kweri dada. Si vous refusez, kama munaitika, de vous séparer, kujitenga, votre décision est nulle. Mipango yako iko ya bule. L'église est avec moi. Kanisa tupamoya. Quand vous vous refusez wakati unakatala de vous séparer kujitenga de votre incrédulité na kutokuamini kwako de votre ancienne vie na maisha yako ya zamani de votre ancienne compagnie na barafiki yako wa zamani de vos péchés mazambi yako mensonge bongo adultère sharati la haine chuki tout ce que vous savez là yote mukunayo cette vie dans laquelle vous ile étiez maisha yote murukuyamo si vous refusez kama unaitika de vous séparer tenga cela signifie ile manake que tu n'as jamais pris une décision pour Christ ya bibaka mupango tu es un menteur uko tu bongo j'ai un farceur uko tu mufanya michezo j'ai un hypocrite uko munafiki c'est vrai frère ya kweli nduku c'est vrai ma sœur ya kweli dada yangu et votre décision na ata mupango yako est nul et sans effet iko ya bila matokeo c'est vrai frère ya kweli nduku cela signifie ile inamaanisha que vous n'irez nulle part hakuna fashu utaenda avec Dieu pamoja na Mungu. Et Dieu du ciel Mungu wa kumbingu ne peut rien faire hawezi kufanya kitu avec vous. Na weye. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Ya kweli dada. Et vous n'avez même pas commencé votre marche avec na, Dieu. Bado hauyaanza ta safari yako na Mungu. Kukatala. Refuser. Kujitenga. De te séparer. Na zambi yote ilikuwa iko kufunika avec tous les péchés qui vous na maisha yako yote ya zamani avec ton ancienne na incrédulité yako yote avec toute ton incrédulité una foi na mipango ulichukua fait à ce que la décision inakuya ya bule elle est devenue néant na haitakuya na matunda et ça n'aura pas de fruits na au yaenda fwasha tamoe et tu n'as pas encore fait pas. C'est ça la difficulté ma boum, frère, de beaucoup de frères et de sœurs. Beaucoup de frères et de sœurs disent Banduku, ba mingi, depuis, sema, depuis que j'avais cru, je ne vois pas de progrès dans ma foi. Je ne vois pas de progrès. Je n'avance pas. Shendele. Le secret est ici. Siri kuniapa. Vous refusez de subir les conséquences de votre décision. Vous avez peur de subir les conséquences de votre foi. Frère, la décision de suivre Christ peut entraîner à la séparation avec votre papa biologique, avec votre maman biologique, pour pousser ta propre famille à trahir, à te chasser. Frère, Nduku, ce n'est pas pour dire que tu as volé quelque chose d'autre. Ton père, en apprenant seulement que tu as cru, il peut te chasser de sa maison. Dans sa maison. Il peut refuser de te payer les études. Ta façon de croire seulement. Chuki ya famille yako. Va t'amener la haine de la famille. Bato atawezi kukucheka. Les gens peuvent se moquer de toi. Jambula. Les gens peuvent te mépriser. Parce que tu as cru. Sababu uliamini. Il faut accepter cela. Nafai kuchika ile. Maintenant écoutez frère. Sasa, shikia. Je m'arrête d'abord ici. Na shimami ya kwanza hapa. Avant d'aller plus loin. Mbele ya kwenda mbali. Parce ici, sababu apa, la décision, mpango, et la séparation, na kujitenga, jopale panayengwa, c'est là qu'est fondé, siri ya okovu, le secret, ya kila nafsi, du salut de chaque âme. We kukatala kujitenga, si tu refuses de te séparer, na biote milambao, biko contraire kuneno la Mungu et tout ce qui est contraire voilà kinyuma de la parole una, de Dieu unakatala kujitenga refuse de te séparer kwa avec ton incrédulité ukatala. kujitenga na tabia yako ya zamani na maisha yako ya zamani ya zambi mule ambao ulikuwa uko naishi ni kusema auyamini hauna na mupango. C'est vrai frère, mbya kweri nduku. C'est vrai ma soeur, mbya kweri dada. Ah oui, ainda pas fouach. Tu n'as pas encore fait pas. Tu n'as même pas encore commencé la marche. Ah oui, anza ta safari. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Na kukataa kujitenga. Et refuser de se séparer. Bana yake. Cela veut dire. Ukoronesha kusema. Tu prouves clairement que. Et même la décision de croire en Christ, tu ne l'as jamais prise. Refuser de vous séparer. Kujitenga. Cela signifie que vous n'avez pris aucune décision pour Christ. Christ. C'est vrai. C'est vrai, ma soeur. Kukatala kujitenga, refuser de se séparer. Refuser de se séparer. Après avoir pris la décision. Kisha okubeba mupango. Cela signifie ile inamaanisha que tu as refusé ya kwamba unakatala avec ton âme na nafsi yako et Dieu na Mungu ne peut rien faire dans ton âme awezi kufanya kitu na nafsi yako mwakati wote. Il ne peut pas travailler dans ton âme. Il ne peut pas changer awezi ton cœur. Il ne peut pas te donner une nouvelle vie maisha mupya ndani ya moyo wako. Duku. Refuser Kukatala de se séparer. Kujitenga. Cela signifie il est inamaanisha que tu n'aimes pas Dieu. Aumpende Mungu. Et Dieu na Mungu ne peut jamais bénir. Kamwe awezi kubariki. Faites très attention. Mkebangi. Souvent, quand nous étudions le terme béni, il a mara kama tuna, les charnels voient seulement les baraka, choses matérielles. Hein. La véritable bénédiction, baraka ya kweri, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ou baptise au Rome takatifu. La véritable bénédiction, baraka ya kweri, c'est recevoir Jésus-Christ dans votre âme. Dani ya nafsi yako. Il est bien idiote. Et le reste, c'est derrière. Frère, Nduku, ma soeur, dada yangu, vous ne serez jamais béni kamwe amwezi kubarikiwa avant de vous séparer. Mbele ya kujitenga. Le Dieu du ciel, Mungu wa kumbini, le Dieu de vérité, Mungu wa kweli, ne peut rien faire avec toi awezi kufanya kitu na we, aussi longtemps wakati yote, que tu refuses de te séparer. Unakatala kujitenga. C'est vrai, frère. Ya kweli Nduku. Unamini? Tu crois? Uko paka mkunji ya bandumba. Tu es toujours dans les sillages des prostituées. Mule ulikuwa unaishi? Là que tu vivais. Unamini? Tu crois? Uko paka mbarafiki? Tu as toujours la compagnie somo, de tes amis tu, de l'école, des filles. Tundumba tunaisha kufunja kubikira. Elles ont déjà brisé leur virginité, ce sont elles tes amis. Comment est-ce que tu vas aller de l'avant? Ou t'endele à Dieu? Comment est-ce que tu vas progresser dans la foi? Tu ne vas pas progresser. Unamini? Tu crois au Seigneur? Mais tu es toujours dans la compagnie de ces enfants-là que tu fumais avec du chanvre. Comment est-ce que tu vas progresser dans les choses de Dieu? Unamini? Tu crois? Tu continues toujours à marcher dans la compagnie de voleurs. Comment est-ce que tu vas progresser dans la foi? Non, frère. Pas Nanduku. Non, ma soeur. Pas Nadada. La décision. Mupango. Une décision ferme. Mupango yenye kushikamana. Est sincère. Ya nous conduit à une séparation totale. Kutongoza kujitenga. Cette séparation. Na ile kujitenga. Commence par. Inanzaka. Le renoncement. Kukatala. De soi-même. Kujikatala we mwenyewe. Le premier ennemi de l'homme. Adu a kwanza. C'est l'homme lui-même. Ni mutu ye mwenyewe. C'est vrai, frère. Ya kweli Nduku. Tu dois d'abord te renoncer. Faites un examen de conscience. C'est qui t'est retenu dans le monde. C'est que tu aimais encore le monde. Commence d'abord par te séparer avec ces choses-là. Oui, bien aimé frère. Dio ndukumpendwa. Oui, bien aimé sœur. Dio dadampendwa. Il y a la loi dans la décision et dans la séparation. Il y a la loi du renoncement de soi-même. Oui, dikatale we mwenyewe. Tu dois renoncer. Bani chamboule. Comme insulte. Bani zarau. Comme mépris. Aina mambo. Ce n'est pas un problème. Yangu ipunguke. Que mon honneur aina mambo. Là, il n'y a pas de problème. Pour vivre comme pas de Christ. Et à ma foi, que je puisse recevoir Christ. Maisha yangu, ma vie à moi aina na faida, n'a pas de l'importance. Kitu kia faida au maisha yangu, qui a de l'importance dans ma vie, c'est Dieu. Kami na mpata Mungu, si je reçois Dieu, j'ai retrouvé ma vie. Minapokea maisha yangu. C'est vrai, frère. Ndio nduku. C'est vrai, ma sœur. Ndio dada. Tanguria. Commence d'abord. Kuachana na tabia yako. Par te séparer tabia avec yako we mwenyewe. Ton comportement. Tout ce que tu avais beaucoup aimé du monde, tu dois te les séparer avec. Tu dois te séparer. Si tu consultais les devins, tu dois prendre la décision d'arrêter de consulter les devins. Tu prenais l'alcool, tu dois te séparer avec tous les ivrognes. Tu étais parmi les gens de médisance, tu dois te séparer avec ses amis. Ces amis-là, ces clics-là des gens, qui marchaient ensemble avec toi, contrairement à la parole de Dieu, la décision que tu as prise de se marcher avec Christ, ça doit te pousser mouvement de te séparer avec tous ces gens-là. Tu es devenu à Kiburi, ce n'est pas de l'orgueil. Je suis en train de chercher la vie de Dieu. Père, Nduku, le Dieu du ciel il ne peut jamais œuvrer sur ton âme, il ne peut jamais te bénir aussi longtemps toi-même tu n'as pas encore accepté de te séparer avec les péchés. C'est vrai, frère. Yakweri Nduku. C'est vrai, ma soeur. Yakweri Dada. Christ, tu as dit que tu crois en Christ. On regarde ton accoutrement. C'est seulement un accoutrement pour ce qui est c'est le paganisme, ta façon de parler. Les païens, les amis que tu marches avec, ce sont des amis païens. Pananduku. Regarde même quand Dieu. Garia, attends-moi, Kati Mungu. Nous y arriverons. Tout à fait. Regarde quand Dieu a appelé Abraham. Kati Mungu, Arita Ibrahim. Dieu lui a dit. Mungu, Arimambi. Sors. Toka. De ton pays. Mouinchi Yako. Sors. Toka. De ta famille. Mujama Yako. Frère. Nduku. Koko bintu bila ambao. Il y a des choses. Biri kujunguluka. Qui t'entourait. Wakati ulikuwa mpagano. Pendant que tu étais païen. Il faisait partie de ta propre vie. Il y a semu ya maisha yako. Mais kama unaamini. Mais lorsque tu crois. Tu restes toujours là-bas. Jamais tu n'avanceras dans la foi. Tu ne feras pas l'enfer dans la foi. Endambari muimani. C'est vrai, frère. Yakweri Nduku. Vous devez changer de milieu. On n'a pas ce qu'on va dire. Vous devez changer de milieu. On n'a pas ce qu'on va dire. Vous devez changer d'amitié. On n'a pas ce qu'on va dire. Vous devez changer. On n'a pas ce qu'on va dire. Mukintu kyote. Oui, bien aimé frère. Dio ndukumpendwa. Oui, bien aimé sœur. Dio dadampendwa. Kukatala kujitenga. Refuser de se séparer. Ni alama ya konesha kusema. C'est le signe que tu prouves. Na mipango yenyewe. Et même la décision. Tu n'as pas encore prise. Na. Et. Aoutenda fwashi. Tu ne feras jamais l'enfer. Na. Aoutenda fwashi. Tu n'iras nulle part. Na Mungu. Et Dieu. Ananakia kufwana na weye. Il n'y a rien à faire avec toi. Dieu, il travaille avec les gens. Il s'affiche des titres. Volontairement de se séparer avec ce qu'ils étaient. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. On va continuer. Tutaendelea. Qui a compris jusqu'ici? Nanya nelio kufika hapo. Dieu bénisse. Mungu ambariki. La décision. Mupango. Vous sépare. Ine mitenga. Et la séparation. Na kujitenga. Et le secret. Josiri. De votre croissance. Ya kukomea kwenu. Dans la foi. Katika imani. La séparation. Kujitenga. C'est ça l'invitation que vous envoyez à Dieu de venir œuvrer sur ton âme. C'est lui le potier. Mais nous sommes de l'argile. Et il y a une volonté. C'est suivant de notre volonté que nous invitons Dieu. Dis Seigneur, je suis prêt. Ou croyez dans la nafsi yangu. Faire de moi ce que toi tu veux. Et il viendra avec fierté. Atakuya na fieri yote. Pour le vrai. Dieu a kutumika. Et le monde saura. Na dunia itajua. Que tu as reçu quelque chose de surnaturel. Ulipokea kitu kimwaki ya kimungu. Mais comment on a katala kutupenda? Mais si ce n'est pas le cas, tu refines et déparer. Là dans ton cœur, il y a toujours de maquillage. Il y a ma mèche, ma haut talon. Il y a des hauts talons. Il y a des tumba. La prostituée, l'ivrognerie. Tu apprécies encore la compagnie du monde. Oh, Dieu ne viendra pas. Dieu ne viendra pas. Atakuyaka, il ne viendra jamais. Kamu atakuyaka. C'est vrai, frère. Il ne viendra jamais. Atakuyaka. Il viendra faire quoi? Il n'est pas le bienvenu. Aina mkaribishe. Il faut mkaribishe. Tu dois lui approcher. Dieu n'est pas un dictateur. Mungu ana kukazisha. Jésus n'est pas un dictateur. Mwesu ana kukazisha. Qu'il est huko na mwambie ndio kila tafuani. C'est ce qui fera. Wewe mwenye ichika. Toi-même accepte. Comment les chicas? Et si tu acceptes de te séparer na incrédulité avec na kuto kwa na maisha yako ya zamani avec ton ancien na barafiki ba zamani na mikaro ya zamani avec na maisha ya nsambi avec ta vie de péché. Et c'est à ce moment-là que Dieu va travailler. Comment on a frère? Tu vois Nduku, il continue à vivre dans l'adultère. Ayamini. Il n'a pas encore cru. Ayamini. Il n'a pas encore cru. Comment on a muntu? Tu vois un homme. Maisha yake. Sa vie. N'est pas kabongo. C'est seulement le mensonge. Ayamini. Pas, il n'a pas encore cru. Ayamini. Il n'a pas encore cru. On a muntu. Vous trouvez un homme. Umwangalie. Quand vous le regardez. Mikario yake. Dans sa façon de vivre. Angali paka muntu akikabila. Il est toujours un tribaliste. Ayamini. Il n'a pas encore cru. Regardez un homme. Compagnie, il est Barafiki yake qui s'adoue. Si vous regardez les gens avec qui il marche, Barafiki yake. Les confidences. Bala na bala mfutuwa masini. Ni paka bapagano. Ni paka bapagano manamuke. Elewa ya kwamba. Ashiamini bado. Il est hypocrite dans l'église. Engai kitu munafiki mkanisa. C'est celui qui a des oreilles. Mwenye kuwa na mashikio. Pour écouter. Dieu a kushikia. Qu'il entende. Ashikie. Accepter. Ichika. De se séparer. Kujitenga. Si tu ne le fais pas. Kama ina vile. Dieu ne fera rien. Mungu atafanyaka kintu. Dans ta vie. Maisha yako. Tu ne verras jamais la main puissante de Dieu. Mungu, Dieu, il sera seulement le Dieu de l'histoire. Mais le miracle de Dieu, l'histoire, ça va rester seulement de l'histoire. Mais dans ta propre vie, lakini mumaisha yako atifikie zéro. Parce que tu as refusé. Sababu unakatala. De se séparer. Kujitenga. Levons-nous pour la prière. Tushimame Jacob. Nous allons continuer. Tushimama. Tendelea. S'il faut une fois, ne quand tu m'appelles. S'il faut faire une semaine ici, parce que c'est ici qu'il y a le secret. Babu, ni apa njopeko siri. Pole pole. doucement. Voyez bien, mes frères. Ça nous fait du mal. Bikuna umma. D'avoir une église. Yakuya na kanisa. Plein de païens. Ishakuya na bapagano banaume na banamuke. Non, frère. Pas nanduku. Tu refuses de te séparer. Qui est-ce que tu es venu suivre? La à la parole. Aina kanisa itakokola. Ce n'est pas l'église. Aina pastor itakokola. Ce n'est pas les pasteurs qui te sauveront. C'est Dieu du ciel. Mungu akumbingu. Mais il existe. La kine kona la zimisha kujitenga. Prions. Tuombe. Merci Père. Tu es le Dieu véritable. Tu parles selon la vérité.